بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأجدوي لأموز المواد ربيع الآخر بالأني من 447 أقل عجرة للخطوة محمد صلى الله عليه وسلم. Nous réunissons ici dans la ville de Toulouse avec nos frères, nos nobles frères de cette ville, pour une assise fraternelle, afin de parler d'un sujet qui est un sujet qui touche l'ensemble de cette communauté, touche l'ensemble d'entre nous, sauf celui à qui Allah Azza wa Jalla fait miséricorde. Ceci à travers un hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, le Sahih de l'imam al-Bukhari et le Sahih de l'imam muslim, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu. Ce sujet, nous l'avons abordé il y a quelques jours avec notre cheikh Samir ibn Ali al-Qaisi, de la ville de Jeddah, hafidhahullah ta'ala, lors d'une allocution en direct, par téléphone, dans notre mosquée, la mosquée de la ville d'Evry, Masjid al-Rahma, du quartier du chantier du Coq, de la ville d'Evry. Et ce hadith, et ce hadith où, lors d'une bataille, parmi les batailles qu'a mené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, un de ses compagnons parmi l'Ansar, les auxiliaires, a frappé un autre de ses compagnons parmi les Muhajirin, les émigrés. Le terme qui est utilisé dans le hadith, c'est kasa'a. Et le kasa'a, c'est le fait de taper avec l'intérieur du pied dans le derrière, azzakumullah, de la personne qui est frappée. Donc cette personne parmi les auxiliaires, parmi l'ansar, a frappé cet autre compagnon parmi les muhajirin de cette manière. Puis cette personne parmi les muhajirin qui a été frappée a appelé son peuple. Ils sont donc al-muhajirun. Et à ce moment-là, l'autre compagnon, celui qui a frappé, parmi l'ansar, a appelé son peuple. Ils sont donc al-ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, cet appel, a prononcé cette parole qui est le sujet de ce rappel. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم. Et dans une autre version, ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. Qu'en est-il de cet appel anti-islamique? Ou est-ce que vous faites cet appel anti-islamique alors que je suis parmi vous? Puis il dit, صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. Et dans une autre version, خبيثة. Délaissez-la car elle est certes répugnante. Et ce qui est voulu par sa parole, da'ouha, délaissez-la, fa'innaha, muntina, ou khabisa. Les savants ont divergé. Est-ce que ce qui est voulu, c'est délaisser le fait de vous comporter comme cela entre vous, c'est-à-dire de frapper de la manière dont Al-Ansari a frappé Al-Muhajir? Sans aucun doute, il ne voulait pas le frapper pour lui faire du mal, mais cette manière n'est pas une manière qui est une bonne manière de se comporter avec son frère. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'avis de certains savants, lorsqu'il dit da'ouha, délaissez-la, il parle de cette manière de frapper, de se comporter entre nous. Et, à notre avis des savants, est que da'ouha fa'inna khabitha ou muntina, délaissez-la car elle est certes répugnante, c'est cette da'wa al-jahiliya, c'est-à-dire cet appel anti-islamique. Et quoi qu'il en soit, les deux avis des savants sont acceptables et les deux sont des choses qui sont à délaisser entre frères. Sans aucun doute, l'islam est venu pour lier les croyants entre eux, les lier et les rapprocher d'une manière qu'ils n'auraient pu être liés et rapprochés que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, par ces liens fraternels qui nous lient tous, qui les a liés eux, avant nous, donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers croyants, puis ceux qui les ont suivis dans le bien et ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'à nous. Ces liens qui lient les croyants entre eux sont des liens fraternels, sont des liens d'amour, de respect, de miséricorde, comme nous allons le voir. Et ces liens n'auraient pu être tissés que par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles bien sûr, cet appel de l'époque anti-islamique alors que je suis présent parmi vous, il parle d'un appel de l'époque anti-islamique alors que l'appel qui a été fait ici est un appel avec des appellations qui sont légiférées. El-Muhajiroun, El-Ansar, ce sont des appellations légiférées. Plutôt, ce sont des appellations islamique, sans aucun doute. C'est-à-dire que El-Muhajiroun n'ont été Muhajiroun que après la venue de l'islam. Ce sont ceux qui ont émigré vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou avec lui. De même que El-Ansar n'ont été appelés El-Ansar que après la venue de l'islam. Ceux qui ont été les auxiliaires, ceux qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont accueilli dans la ville de Médine. Pourtant, il a utilisé ce terme, sallallahu alayhi wa sallam, Abida wal Jahiliya. Un appel anti-islamique. Pourquoi? Car lorsque ces deux appellations, qui sont des appellations légiférées et correctes, islamiquement parlant, pardon, ont été utilisées à un moment et d'une manière qui n'est pas la bonne manière, qui n'est pas la manière légiférée de les utiliser, à ce moment-là, elles ont été appelées, bien qu'elles sont des appellations correctes, islamiquement parlant, plus encore. Ce sont des appellations élogieuses. Ce sont des appellations élogieuses. El-Muhajiroun, ceux qui sont décrits par le fait d'avoir pratiqué cette grande adoration, le fait d'avoir fait la hijra, d'avoir fait l'émigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avec lui. De même que El-Ansar, ceux qui l'ont secouru et qui l'ont accueilli dans la ville de Médine. Ce sont parmi les appellations les plus élogieuses. Et Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge de Al-Muhajiroun et Al-Ansar dans plusieurs versets. Parmi ces versets, ce verset que vous connaissez de Sourate Tawbah, où il dit, Tabaraka wa ta'ala, Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, walladhina taba'uuhum bi ihsan, radiyallahu anhum wa radu anhu. Cet éloge, après lequel il n'y a pas d'éloge, c'est-à-dire, dans le sens approximatif de ces paroles, ceux qui ont précédé à la fois, parmi les émigrés et les auxiliaires. Et ceux qui les ont suivis dans le bien. Allah les agrée et il l'agrée. Quel éloge après le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'informe qu'il t'a agréé, qu'il t'a agréé, qu'il a agréé ta compréhension de la religion, qu'il a agréé ton comportement, qu'il a agréé ton adoration, ta manière de te comporter, et autre que cela parmi ces choses qui rentrent dans cette appellation ou dans ce verset, le fait qu'Allah azzawajal agrée les tout premiers croyants parmi les muhajirin ou l'ansar. Donc, cette appellation, qui est une appellation élogieuse, a été blâmée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À quel moment? Lorsqu'elle a été utilisée d'une manière dont elle ne doit pas être utilisée. C'est-à-dire, pour appeler selon un appel anti-islamique. C'est-à-dire, appeler à ce tribalisme, à ce fanatisme. Et le fanatisme, at-ta'assub, qui est ce mal dont j'ai parlé au début de cette exhortation avec vous, qui a gangréné la communauté. Le fanatisme sous toutes ses formes. Nous voyons à travers ce hadith qu'il n'est pas permis. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se fanatiser pour Al-Muhajirin ou pour Al-Ansar, alors que ce sont parmi les meilleures appellations, des appellations qui ont été données à ses compagnons par la cause de leurs bonnes œuvres, la hijra, l'immigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le fait de l'avoir secouru, si ceci n'est pas permis, c'est-à-dire de se fanatiser par rapport à cela, autre que cela, parmi les œuvres qui sont moindres, ou même des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, à plus forte raison. Min babi aoula. Donc ce fanatisme, sous toutes ses formes, le fanatisme pour un cheikh, un savant. Les personnes vont se fanatiser pour lui, vont le suivre, vont suivre ses avis, quels qu'ils soient, ses paroles, quelles qu'ils soient, celles-ci, même si elles contredisent la sunna du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont suivre cette personne car le cheikh a dit. Ça, c'est l'avis du cheikh. Moi, je suis avec le cheikh. De même que le fanatisme pour son pays, le fanatisme pour sa ville, le fanatisme pour son quartier, le fanatisme pour sa propre personne même. Notre cher Cheikh Khalid Abou Abdel A'la, Khalid Othman Al-Misri, Hafidhahoullah Ta'ala, a un livre qui a été édité pour sa deuxième édition en deux volumes, qui s'appelle At-Ta'assoubou li Shuyur. Awatifu Mashroubatun, ou Mashoubatun Bil-Ahwa. Un livre sur le fanatisme pour les chouïours, où il détaille dans ce livre, et j'ai résumé ce livre dans une série de cours, peut-être quatre ou cinq cours, quatre cours exactement, que vous retrouverez. Je l'ai résumé car c'est un livre qui est assez détaillé, où il explique toutes ces formes de fanatisme, en particulier pour les chouïours. Et il explique dans ce livre une chose que beaucoup de gens ont du mal peut-être pas forcément à comprendre, mais à percevoir le fait que une personne peut se fanatiser pour sa propre personne, pour ses propres avis. Le fait qu'il pense que à chaque fois qu'il dira une chose ou qu'il donnera un avis, eh bien il a raison parce que cette chose vient de lui. Il a une haute estime de lui-même qui l'emmène à ne pas se remettre en question et à prendre ses avis comme étant la vérité et la justesse et la rectitude sans condition. De même, comme je l'ai dit, donc le tribalisme, de se fanatiser pour sa tribu, pour son origine, pour son pays et autre que cela. Comme il en est question ici dans ce hadith qui est rapporté dans As-Sahihayn. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu, lorsqu'il s'exclame et dit par cet appel de l'époque anti-islamique, dans une version Mabel ou Da'wa al-Jahiliya wa ana bayna adhhurikum, il s'exclame, vous, mes compagnons, vous vous appelez les uns les autres avec cet appel de l'époque anti-islamique. Ceci, cette exclamation de lui, est une réprobation de sa part, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il est interdit de s'appeler de cette manière-là, cet appel anti-islamique, de s'appeler entre vous alors que vous êtes tous musulmans, vous êtes tous frères. Plutôt, vous devez de vous appeler par ces appellations islamiques, mais de les utiliser à bon escient. De même, par ces appellations qui sont légiférées, c'est-à-dire les musulmans entre eux sont tous frères, donc il ne convient pas de se fanatiser ou de se sectariser pour un groupe ou un autre. Et comme vous le savez, le sectarisme en islam est quelque chose qui est interdit. C'est quelque chose qui est interdit, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà, takunu min al-mushrikin, min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Le sectarisme en islam est une chose qui est interdite, donc de suivre une faction, une secte, et de se fanatiser pour cette faction ou pour cette secte. Le seul fanatisme qui sera autorisé, entre guillemets, c'est le fanatisme pour le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ce qui nous incombe à tous de suivre. Lorsqu'il te vient la parole d'Allah ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te dois de la suivre et de délaisser tout autre que ces paroles-là. C'est pour cela que nous voyons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous appelaient à cela, comme dans ce athar qui est rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, où il dit, lorsque certaines personnes ont appelé à suivre l'avis de Abu Bakr et de Omar, après que lui ait parlé de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de faire les rites du pèlerinage, il dit, radiallahu anhuma, il s'en faut peu, dans le sens de ses paroles, il s'en faut peu que ne descendent sur vous des pierres envoyées du ciel. Je vous dis, le prophète ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous dites, Abu Bakr a dit et Omar a dit. Les meilleurs de cette communauté, Abu Bakr et Omar. Et malheureusement, de nos jours, malheureusement, ce fanatisme a tellement gangréné notre communauté, que l'un d'entre nous, qui se prétend être des gens de la Sunna, et nous ne lui enlevons pas cette chose-là, mais qui n'a pas compris ce manhaj et cette voie comme il le devrait. Certains prétendent suivre ce manhaj comme il se doit, mais ils trouvent en eux-mêmes un problème et une allergie et un mal à dire « cher, un tel s'est trompé », mais ils n'ont pas de mal à dire « Abou Bakr s'est trompé ». Omar s'est trompé. Et sans aucun doute, Abou Bakr s'est trompé. Radiallahu anhu. Le meilleur des compagnons après le prophète, le meilleur des hommes après les prophètes et messagers, le meilleur des compagnons et le plus savant des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abou Bakr Siddiq, radiallahu anhu, de même que Omar, le meilleur après lui, s'est trompé. Nous n'avons pas de mal. Le salafi, celui qui suit ce manhaj correctement, il n'a pas de mal à dire cela, tout en respectant les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que ce sont les meilleurs des hommes, en respectant ces derniers et en ne les évoquant que de la meilleure des manières. Ceci est la voix des gens de la sunna. Mais le fait de les évoquer de la meilleure des manières ne veut pas dire de prétendre qu'ils sont infaillibles. Le fait que tu dises qu'ils se sont trompés, ça montre que tu ne prétends pas leur infaillibilité. Et tu ne les dénigres pas en disant cela. Dans telle ou telle affaire, ils se sont trompés. Mais certaines personnes qui prétendent suivre ce manhaj n'ont pas de mal à dire Abou Bakr s'est trompé, Omar s'est trompé, car ceci est affirmé dans les textes. De même qu'ils n'ont pas de mal à dire l'imam Malik, Ibn Anas, Al-Asbahi s'est trompé, l'imam Muhammad ibn Idris, Al-Shafi'i s'est trompé, l'imam Ahmad, Ibn Muhammad ibn Hanbal s'est trompé, l'imam Abu Hanifa s'est trompé, l'imam Al-Bukhari s'est trompé, l'imam Muslim s'est trompé, et autres que eux. Ils n'ont pas de mal à dire cela. Plutôt, ils prétendent à ce manhaj et rejettent catégoriquement le fanatisme pour le madhhab, une école juridique. Et ils ont raison dans cela, le fait de rejeter ce fanatisme pour une école juridique. Et beaucoup de fanatiques sont des fanatiques pour leurs écoles juridiques, c'est-à-dire qu'ils délaissent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils prennent la parole de l'imam Malik, la parole de l'imam Shafi'i, la parole de l'imam Ahmed, et la placent au-dessus, même s'ils ne le disent pas avec leur langue, mais leurs actes montrent cela. Qui la place au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, même s'ils le rejettent cela, ils ont raison de le rejeter. Tu les entends et tu les vois ne pas accepter lorsqu'on leur dit « Cheikh, un tel s'est trompé ». Est-ce que Cheikh, un tel parmi ces savants contemporains est au-dessus de As-Sahaba ? Personne ne dit cela. Alhamdulillah. Ou plus savant que As-Sahaba, plus savant qu'Abu Bakr, plus savant que Omar, plus savant que Othman, plus savant que Ali. Personne ne dit cela. Est-ce qu'ils sont au-dessus et plus savants que les quatre imams, ou les imams des quatre écoles, ou les rapporteurs du hadith comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, et autres que eux? Personne ne dit cela. Mais malgré cela, tu n'as pas de mal, ou ces personnes-là en tout cas n'ont pas de mal à dire un tel et un tel s'est trompé, mais lorsque tu leur dis Cheikh, un tel s'est trompé sur cette affaire. Cheikh est intouchable. Même s'ils ne le diront pas avec leur langue, mais leurs actes et leur fanatisme, ce que tu vois à travers leurs paroles, montrent qu'ils mettent cette personne-là à une place d'infaillibilité. C'est pour cela que ce mal, le fanatisme, est un mal qui a touché, qui a gangréné notre communauté et il fait partie des plus grands mâles, les plus grands mots qui ont touché notre communauté, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, comme dans les temps passés, les siècles passés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'elle est certes répugnante, dégoûtante, khabitha, muntina, ce qui est voulu, c'est qu'elle est mauvaise, elle est nuisible, cet appel de l'époque anti-islamique. Pourquoi elle est nuisible et pourquoi elle est mauvaise? Malgré que, comme on l'a dit, c'est une appellation légiférée. Les Muhajiroun, les Ansar, ils sont appelés, ils sont décrits par les meilleurs des adorations. Les meilleurs des adorations. Al-Hijra, avec et vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le secours du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là, lorsqu'elle a été utilisée de cette manière tribale, de cette manière fanatique, eh bien, elle n'était pas bonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés et les a éduqués. Et pourquoi elle est mauvaise celle-ci, comme le dit certains parmi les explicateurs shurrah de al-hadith, comme Ibn Mulaqin dans son sharh du sahih de l'imam al-Bukhari, il nous dit car elle est une cause de l'énervement de l'énervement dans la religion d'Allah Azzawajal pour autre que la vérité. Ils se sont énervés pour une autre chose que la vérité. Ils ne se sont pas énervés parce que les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala ont été transgressées, mais pour autre chose que cela, comme par exemple le tribalisme et autre que cela. Et nous voyons beaucoup d'autres ahadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le tribalisme. Parmi ces ahadiths, ce que je vais citer. Avant cela, nous voyons que, comme je l'ai dit, l'islam est ce qui est venu lier les croyants. Il les a liés d'une manière qui est tellement forte que aucune autre chose aurait pu lier des personnes qui étaient complètement différentes, comme a lié l'islam les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis jusqu'à nous aujourd'hui. Des personnes complètement différentes, des personnes d'origine différente, de nationalité différente, de couleurs différentes, d'idées différentes, de manières de se comporter différentes. Malgré cela, nous sommes tous frères. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du croyant ou des croyants est comme l'exemple du corps. Lorsque un de ses membres est atteint par la maladie, l'ensemble du corps est touché par as-sahar ou al-humma, c'est-à-dire la fièvre et l'insomnie. Comme cela l'exemple de la umma, comme l'exemple d'un seul corps. Lorsque une partie de la communauté est touchée par un mal, l'ensemble de la communauté réagit par la fièvre, par l'insomnie, c'est-à-dire que l'ensemble de la communauté est touché. Et si ceci ne se passe pas de cette manière-là, c'est qu'il y a un problème. Donc, dans ce hadith, nous voyons l'exemple du croyant ou des croyants entre eux, de même que nous voyons la manière dont les croyants doivent se comporter entre eux. C'est-à-dire que ceci est le véritable croyant, celui qui est touché par ce qui touche son frère, celui qui est touché par les mots qui touchent son frère, celui qui est triste de la tristesse de son frère, et à l'inverse de cela, celui qui est joyeux à la joie de son frère, et celui qui n'est pas joyeux à la tristesse de son frère. Ayyuhal ikhwa, à la lumière de ce hadith, combien nous devons nous éduquer? Que chacun d'entre nous recherche en lui-même. Est-ce qu'il est vraiment touché par ce qui touche ses frères? C'est-à-dire qu'il est touché de la même manière que son frère est touché lorsque une épreuve le touche. Est-ce que l'un d'entre nous est aussi joyeux lorsqu'une bonne nouvelle atteint son frère que lui-même l'est? De même, est-ce que l'un d'entre nous, wal'iyadu billah, ne trouve pas en lui-même de la joie peut-être lorsque une épreuve touche son frère? Wal'iyadu billah, ceci est un grand mal, mais que chacun d'entre nous s'éduque à la lumière de ces questions et à la lumière de ce hadith. Barakallahu fikoum. Comme je l'ai dit, donc ces liens qui lient les croyants est un lien qui a été tissé par l'islam. Comme le dit notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans son livre, dans le sens de ses paroles, Azza wa Jal, il dit, attachez-vous, dans le sens de ses paroles bien sûr, attachez-vous tous à la corde, au câble d'Allah, et ne vous divisez pas. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, et qu'il unit vos cœurs, faisant de vous, de par son bienfait, des frères. Ils ont été unis, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'islam, alors qu'ils étaient, pour certains d'entre eux, ennemis avant cela. Et la seule chose qui les a unis, c'est bien l'islam. Ce n'est pas des biens mondains, des intérêts mondains, ce n'est pas des intérêts de mariage, des intérêts de commerce, mais c'est bien ces intérêts religieux, l'islam, qui les a unis de cette manière. Ici, une mas'ala, un sujet, ayyuhal ikhwa, concernant un hadith qui est rapporté. Certains des savants du hadith ont jugé que ce hadith était faible, et certains ont jugé, bon, quoi qu'il en soit, il est important de traiter ce sujet car certains parmi les savants du hadith l'ont jugé bon. Ceux qui l'ont jugé faible, alhamdoulilah. Mais ceux qui l'ont jugé bon, il est important de traiter ce hadith, surtout que c'est une ambiguïté qui est rapportée par plusieurs personnes. Ce hadith qui est imputé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans le sens de ses paroles, appelez-vous de l'appellation qu'Allah Azza wa Jal vous a donnée. Et il vous a appelé musulmans. Dans ce hadith, même si on juge de son authenticité, nous dirons que ce qui est voulu dans ce hadith, ce n'est sûrement pas ce que ces personnes-là qui emmènent cette ambiguïté veulent par cela. Plutôt ce qui est voulu par ce hadith. Si on juge de ça, son authenticité, ou du fait que sa chaîne de transmission serait bonne, ce qui est voulu, c'est l'inverse de ce qui a été rapporté dans le hadith que nous avons devant nous, le hadith de Jabir ibn Abdillah, qui se trouve dans Sahihain. C'est-à-dire le fait de ne pas s'appeler par des appellations tribales, ceci même si cette appellation à la base est une appellation légiférée, comme il est venu dans le hadith, Al-Muhajiroun, Al-Ansar, et autre que cela, mais plutôt de s'appeler par la chose qui vous a réuni, qui est l'islam. C'est ça qui est légiféré pour vous. C'est-à-dire que si tu veux appeler au secours, tu appelles tes frères, quels qu'ils soient, qu'ils fassent partie de l'Muhajiroun, qu'ils fassent partie de l'Ansar, qu'ils fassent partie de ta tribu, de ton origine ou autre. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ansur akhaka zaliman, ou mazlouman. Secours ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il soit une personne qui aurait subi de l'injustice. Et les compagnons se sont exclamés lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci lorsqu'il a subi de l'injustice. Mais qu'en est-il lorsqu'il est injuste? Comment je peux le secourir lorsqu'il a subi de l'injustice? Le fait de le secourir est quelque chose de clair. Mais si c'est une personne qui a été injuste, comment je le secourrai? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, tamna'uhu min al-dhulm. Tu l'empêches de commettre de l'injustice. À ce moment-là, tu l'auras secouru. Si tu l'empêches de commettre de l'injustice. Et c'est ce qui est demandé pour le musulman, de conseiller son frère, de l'empêcher de tomber dans de l'injustice, que ce soit par sa main, par sa langue, par ses comportements. Et c'est ce qui est demandé de secourir son frère, car c'est ce qu'implique cet amour qu'il y a entre les croyants. Cet amour et cette alliance qu'il y a entre les croyants. Un des fondements de la croyance du musulman, un des fondements de cette méthodologie, la méthodologie des pieux prédécesseurs, al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Et ce qu'implique al-wala, c'est-à-dire l'alliance, c'est al-hubbu wal-nusra, l'amour que tu as pour les croyants, pour les alliés d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de même que nusra, c'est-à-dire le secours, de les secourir. Quand est-ce que tu les secours? Quand ils ont subi de l'injustice, mais aussi lorsqu'ils sont injustes. Tu te dois de conseiller ton frère, de le conseiller de la meilleure des manières. Et c'est ce qu'implique cette foi et cet amour qu'il y a entre les musulmans. De les conseiller et de les conseiller de la meilleure des manières. Le conseil doit être fait avec douceur à Yuel Irwan. Le conseil entre vous est une chose qui est obligatoire. Le conseil entre les musulmans est une chose qui est obligatoire. Puisque c'est ce qu'implique ta foi et ton amour pour tes frères. Mais il doit être fait de la bonne manière. Parfois, on se plaint que nos frères n'acceptent pas nos conseils. Peut-être que le conseil n'a pas été fait de la bonne manière. Il y a une chose qu'on appelle fiqhun nasih, c'est-à-dire la jurisprudence du conseil. Comment faire le conseil? Le conseil doit être fait avec douceur. Parfois, il peut être fait avec un peu moins de douceur lorsque ceci le demande. Et ceci, eh bien, al-hikmah, la sagesse. La sagesse est وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ, c'est-à-dire le fait de mettre chaque chose à sa place. Certaines personnes ne comprennent pas cela. Ils se disent, lui, il est trop dur et on n'accepte pas sa parole parce qu'il a de la dureté. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Mu'ad ibn Jabal, et Mu'ad ibn Jabal, qui est-il? أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ, la personne qui était la plus savante parmi les compagnons du licite et de l'illicite. C'était parmi les imams de Sahaba. Les imams de Sahaba, les grands savants de Sahaba, Mu'ad ibn Jabal, malgré cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans les deux recueils authentiques, lorsqu'il a récité une longue prière de l'Isha, au point qu'une personne est sortie de sa prière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Afattanun anta ya Mu'ad, et dans une version, Afattanun anta ya Mu'ad, est-ce que tu es un fauteur de troubles au Mu'ad? C'est une parole qui est dure. Si l'un d'entre vous dit à son frère, Fattan, comment il va prendre cela? Peut-être que certains vont en arriver aux mains, ou la yadoubla, je pense pas parmi vous qui tomberait dans cela, ou alhamdoulilah, vous êtes éduqués, mais certaines personnes même qui se revendiquent de ce manège peuvent en arriver aux mains pour une parole comme ça. Fatin! Fauteur de troubles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à Mu'ad, un des plus grands parmi les sahabes. Et à l'inverse, lorsque ce Arabi, donc cette personne qui vient de ce Bédouin, donc qui est venu de Al-Badia, est venu y a uriné, azzakumullah, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les compagnons ont voulu se lever pour l'empêcher de faire cela. Et j'aurais dit, laissez-le. Et ensuite, il ne s'est pas contenté de leur dire laissez-le, mais plutôt de leur demander à eux de prendre un seau d'eau et de le verser sur cette urine. Ça, c'est la sagesse, de mettre chaque chose à sa place. Car cette personne-là, ce bédouin qu'il ne connaît pas, est-ce qu'on va se comporter avec lui comme avec quelqu'un qui a la science? Peut-être ton frère, s'il est dur avec toi à certains moments, où il a une certaine dureté, parce que la dureté, ce n'est pas la base dans le conseil ou dans les relations entre les frères, mais s'il a une certaine dureté, il faut te dire que c'est parce qu'il t'estime. Il pense que tu comprends les choses. Tu as une bonne méthodologie, tu comprends ces choses-là. Il faut que tu aies la bonne pensée aussi, toi, sur ton frère. Et pas te dire que c'est quelqu'un de mauvais, il a été dur avec moi. Mais sans aucun doute, la base dans le conseil, c'est la douceur. Et la base dans les relations entre les frères, c'est la douceur. La douceur n'a pas été dans une chose sans qu'elle l'ait embellie. Et n'a pas été enlevée d'une chose sans qu'elle ait enlaidie. La douceur est un bien, sans aucun doute. Donc tu te dois de conseiller ton frère de la meilleure des manières, avec douceur, avec respect. Lorsque tu conseilles ton frère avec respect, il accepte de toi. Pas en te prenant, en le prenant de haut, en pensant que tu es meilleur que lui, parce que là tu le conseilles, toi tu as su cette chose-là, lui ne l'a pas su. Tu es meilleur que lui. Tu le prends de haut. Non, avec respect, si tu le conseilles avec respect et douceur. Et avant tout cela avec science, car Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit, « Udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati al-hasana wa jadilhum billati ahsan » Dans un verset, donc Allah Azza wa Jalla dit, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة البصيرة هي العلم البصيرة دي ceci est mon chemin j'appelle à Allah avec clairvoyance. La clairvoyance, c'est bien la science. Tu te dois d'appeler avec science, tu te dois de conseiller avec science, mais avec respect, avec bon comportement. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, ayyuhal ikhwa. Simplement pour terminer ici, comme le dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, lorsqu'il explique ce hadith, unsur akhaka zaliman aw madhluman, secours ton frère s'il a subi de l'injustice ou s'il est injuste, qu'il ait subi de l'injustice ou qu'il soit injuste, il dit ceci est ce qui est obligatoire pour les musulmans, d'être rassemblés autour de l'obéissance d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre la voie des pieux prédécesseurs, de ceux qui les ont précédés dans la foi, et qu'ils soient avec celui qui a la vérité avec lui, contre celui qui n'a pas la vérité, qui est dans le faux. Qu'il soit avec celui qui a la vérité avec lui, contre celui qui est dans le faux. Ceci même s'ils sont frères, mais qu'ils doivent se ranger toujours dans le rang de celui qui a la vérité, pas dans le rang de celui qui est de ton pays, de ton origine, de ta tribu, de ta ville, celui qui suit la même personne que toi parmi les chouyours de la sunna. Non, ceci n'est pas quelque chose qui est accepté. Et qu'il soit avec celui qui a été guidé contre celui qui est dans l'égarement par rapport à tel ou tel sujet de sa religion. Ceci est ce qui implique à tout musulman d'être avec celui qui grandit les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, les injonctions d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui les grandit, et de les grandir lui-même, de grandir les injonctions d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de sa parole rahimahullah ta'ala. Je terminerai juste sur cette parole qui est une parole de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, concernant les troubles. Sans aucun doute, les troubles, le fitan, c'est quelque chose qu'il convient de s'en écarter. Il te convient de ne pas rentrer dans la fitna. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fitan, man istashrafa laha tastashrafu, celui qui s'expose à la fitna le prend. Donc tu te dois de t'écarter de la fitna. Simplement. Comme le dit ici Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans cette fatwa, il dit, rahimahullah azza wa jal, je vous annonce la bonne nouvelle, que ce n'est pas toute fitna, qu'il convient de se mettre à l'écart et de ne pas rentrer dedans inconditionnellement. Plutôt les ahadiths qui sont rapportés sur le fait de s'écarter de la fitna et de prendre garde à la fitna, c'est-à-dire aux troubles, ces ahadiths concernent les troubles, dans le sens de ces paroles, rahimahullah ta'ala, concernent les troubles et les fitan qui ne sont pas clairs, où celui qui a la vérité avec lui n'est pas apparu clairement. Celui qui a la vérité avec lui n'est pas apparu clairement. Parmi ces hadiths qu'il a cités, rahimahullah ta'ala, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit, à propos de ce qui se passe lors des troubles, que celui qui est assis est meilleur que celui qui est debout, et celui qui marche est meilleur que celui qui hâte le pas. Plutôt, il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, concernant les troubles, al-fitan, à propos desquels celui qui a la vérité est connu, et celui qui est dans le faux est connu, celui qui est injuste est connu, et celui qui a subi l'injustice est connu, celle-ci ne rentre pas dans la portée de ces hadiths. C'est-à-dire ces troubles ne rentrent pas dans la portée, pardon, de ces hadiths. Plutôt, il sera obligatoire, à ce moment-là, de secourir celui qui a la vérité et celui qui a subi l'injustice contre celui qui est dans le faux et qui a été l'injuste. Et ici, nous avons l'explication de cet imam Abdelaziz Ibn Baz sur la manière de se comporter dans certaines choses que certaines personnes, et comme nous le verrons ce soir, Inch'Allah Ta'ala, certaines personnes qui jettent le doute sur des bases et des fondements des gens de la sunna, certaines personnes t'appellent inconditionnellement, ça c'est une fitna, écarte-toi de cela. Ne rentre pas dans cela, écarte-toi de cela. Alors que cette chose, même si c'est un trouble sans aucun doute, mais c'est quelque chose dont la vérité, ou à propos de laquelle la vérité est apparue clairement à tout le monde. Les preuves sont claires, ceci est apparu clairement. Donc tu te dois, comme l'a dit ici Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ici Cheikh Al-Islam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et autres que parmi les savants, tu te dois de secourir celui qui a subi l'injustice, et tu te dois de secourir celui qui est dans la vérité. Pourquoi? Parce que tu es musulman, et tu es croyant, et tu aimes ton frère, et tu t'allies à lui, et ce qu'implique cette croyance que tu as de l'wala ou al-bara, l'alliance et du désaveu, ce qu'implique ton amour pour ton frère, et cette fraternité que tu as pour lui, eh bien, al-hub wa al-nusra, c'est-à-dire l'amour de cette personne, de même que le fait de lui porter secours. Et lorsque tu sais celui qui a subi la justice, celui qui est avec la vérité, la foi que tu as, ta fraternité envers lui, la foi que tu as, l'alliance que tu as des alliés d'Allah Azzawajal implique que tu te ranges avec celui qui est dans la vérité contre celui qui est dans le faux et que tu le secours contre celui qui a été injuste. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.